Essayez de définir le visage à l'aide de mots. Vous allez vite comprendre le problème. Le visage n'est pas quelque chose qui se voit, ni quelque chose qui apparaît. C'est plutôt une sorte de relation, l'interface entre autrui et moi-même, un lien d'emblée éthique avec ce qui n'est pas moi et qui me dépasse absolument et de manière infinie. Enfin ça, c'est la définition que donne Lévinas, qui va même jusqu'à dire « La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux. Quand on observe la couleur des yeux, on n'est pas en relation sociale avec autrui. La relation avec le visage peut certes être dominée par la perception, mais ce qui est spécifiquement visage, c'est ce qui ne s'y réduit pas. Il y a d'abord la droiture même du visage, son exposition droite, sans défense. La peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée, la plus nue bien que d'une nudité décente, la plus dénuée aussi. Il y a dans le visage une pauvreté essentielle. La preuve en est qu'on essaie de masquer cette pauvreté en se donnant des poses, une contenance. Lévinas, le rire de Joaquin Phoenix, dit le Joker, et Grace Jones, I've seen that face before. Vous êtes bien sur France Culture, les chemins de la philosophie. Bonjour Corinne Peluchon. Bonjour Adèle Fonrette. Bienvenue, ravie de vous accueillir ce matin. J'ai remarqué la couleur de vos yeux. Est-ce que ça veut dire que je ne vous ai pas vraiment rencontré? Je ne sais pas. C'est ce que semble dire Lévinas, hein, il le dit très bien. La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne même pas remarquer la couleur de ses yeux. C'est-à-dire qu'il distingue la face, le support anatomique, les yeux, les oreilles, la bouche, la figure, le vecteur expressif, on peut dire, un visage triste, gai, et puis le visage qui déchire le sensible, qui n'est pas relatif. En tout cas, une personne, elle m'échappe, et ce que je vois, son apparence, ne dit pas tout, ne livre pas tout, et c'est cet échec à faire le tour d'autrui, à saisir ce qu'il est, ce qu'il exprime, qui va justement me renseigner sur justement mon rapport à lui, et le fait que une personne, eh bien, n'est pas quelque chose justement dans le monde, n'est pas mon horizon, qu'elle m'échappe et que justement elle m'assigne des limites. Elle souligne les limites de mon pouvoir de constituer, de connaître et peut-être de mon pouvoir de pouvoir, de mon pouvoir de m'accaparer ce qu'il est. Parce que c'est un rapport de force, on va le voir. Le visage est vraiment chez Lévinas bien plus qu'une illustration, qu'un exemple. C'est le point, si le terme est bien choisi, auquel se ramène sa pensée. Il l'investit de manière philosophique très forte. Et ce qu'on va voir ce matin, Corinne Peluchon, vous êtes philosophe, hein, professeur à l'université Gustave Eiffel, c'est-à-dire l'ancienne université Paris-Est Marne-la-Vallée, c'est ça? Oui. Spécialiste de philosophie politique et d'éthique normatique appliquée. Vous venez d'être récompensé par le prix Günther Anders de la pensée critique en Allemagne. Bravo. Et vous faites paraître Pour comprendre Lévinas, un philosophe pour notre temps aux éditions du Seuil. Lévinas est particulièrement adapté à notre temps, c'est ce que vous laissez entendre? Je crois que justement, on va le voir, à partir du visage et de la manière de penser le rapport à autrui, de penser aussi que derrière le visage d'autrui, il y a toute l'humanité, hein, que ça renseigne sur ma responsabilité, que je ne suis pas seulement l'ensemble des décisions pour moi-même que je prends, mais que je suis dérangée par autrui, que peut-être les relations sociales ne sont pas seulement une juxtaposition d'êtres indifférents ou en rivalité, bien peut-être qu'il y a là une autre manière de penser et l'éthique et la politique. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui travaillent la pensée de Lévinas et qui peuvent nous enseigner aujourd'hui, nous apporter beaucoup. Il le dit dans le texte que nous avons entendu, la phrase d'avant, je pense que l'accès au visage est d'emblée éthique. Oui. Partons de cette phrase, Corinne Peluchon, qu'est-ce que ça signifie? Alors, d'abord, c'est de la phénoménologie, c'est-à-dire que je décris le phénomène et justement, autrui, son visage n'est pas un simple phénomène, sa phénoménalité, eh bien, ne livre pas tout, il est en excès sur sa phénoménalité, c'est pourquoi le visage signifie, c'est pourquoi il exprime quelque chose qui dépasse. Il n'est pas que ce qui apparaît. Il n'est pas que ce qui apparaît, absolument. C'est une présentation paradoxale. Le visage, c'est quand même une présentation, hein. On identifie quelqu'un par son visage plus que par son dos, etc. Mais cette présentation est paradoxale car il ne livre pas tout. Donc il y a une transcendance d'autrui. Autrui n'est pas un simple phénomène, une chose parmi les choses, bien que souvent nous voyons un petit peu les autres comme cela. Mais la phénoménologie est une manière de réveiller des significations d'ordinaire occultées par la vie quotidienne. Mais ce qui est fondamental, c'est que l'échec de mon pouvoir de circonscrire autrui, d'en faire le tour, de le percer, et renseigne sur le sens de mon rapport à lui. Puisqu'il m'échappe, eh bien, cela signifie non seulement que sa dignité, même si Lévinas n'emploie pas le terme de dignité, eh bien, n'est pas relative à ce que j'en sais, ce que j'en vois, mais surtout que d'emblée, mon rapport à lui, puisqu'il ne se tient pas dans mon horizon, hein, je n'en fais pas le tour, eh bien, m'introduit à une dimension éthique. Ça veut dire quoi? L'éthique est une dimension, ça veut dire que le rapport à autrui, ultimement, n'est pas un rapport de perception, ni un jeu de liberté rivale, mais c'est vraiment, il m'interroge, il me dérange, il me déplace. Donc, il y a vraiment le rapport à autrui, eh bien, renverse ma subjectivité. Au lieu de penser le moi comme rapport à lui-même, là, il est dérangé, autrui me dérange, ça veut dire qu'il m'assigne des limites, eh bien, son existence m'assigne des limites. Je ne suis pas seulement dans mon bon droit d'exister, et on voit que là, alors que d'habitude, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Rawls définissent l'humain, l'identité par l'ensemble des choix que je fais, par la liberté. Lévinas va penser justement l'identité personnelle, ce que je suis vraiment à partir de la responsabilité pour autrui. Je signifie me voici, c'est-à-dire qu'autrui qui est au-delà de ma capacité, eh bien m'enseigne et fait que je vois que je suis la manière dont je réponds à l'appel d'autrui. Et penser la responsabilité et l'installer au cœur de l'identité ne signifie pas effacer la subjectivité, mais investir la liberté. Pensez autrement le sujet. Alors, on va prendre le temps de déplier tout ce que vous venez de dire. C'est assez dense. Hein. Il faut imaginer que là, le visage est un point de départ et on va rester dans ce point de départ parce que c'est un fil conducteur qu'on va suivre. Ce matin, tel un fil d'Ariane, voici la voix de Lévinas. C'était en 1981 dans lequel il explique comment le visage d'autrui est quelque chose qui me commande, voire même qui me demande. La relation interhumaine, je l'analyse comme étant, avant tout, une responsabilité et comme si, dans l'approche d'autrui, dans la proximité avec autrui, par-delà l'image que je me fais de l'autre homme, qui a des yeux, qui a un nez, qui a une bouche, et qui a un corps, le caractère spécifiquement expressif d'autrui, le visage, et d'ailleurs tout le corps humain est visage, n'est-ce pas ? Il y a plus ou moins. Je veux dire, ce qu'il y a d'expressif en réalité dans l'humain, c'est l'expressif, c'est ce qui m'ordonne de le servir. Prenons les choses au début, Corinne Peluchon. Qu'est-ce qui, dans le visage d'autrui, qui est fait de nudité, nous disait Lévinas, m'ordonne quelque chose? En quoi est-ce que l'apparition de ce visage d'autrui, qui ne se réduit pas au trait de ce visage, est quelque chose qui me commande, qui dicte mon action? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord l'idée que l'éthique a comme source l'extériorité. Ce n'est pas l'ensemble des règles morales, ni ma manière de penser qui est la source de l'éthique, mais c'est vraiment autrui, c'est une injonction, un appel qui ne vient pas de moi, mais de l'extérieur. Ça pourrait être ça, Dieu, pour d'autres philosophes. Alors, ça pourrait être Dieu, et il y a peut-être aussi un rapport entre autrui, et l'illéité, ce qu'il appelle l'illéité, on verra peut-être tout à l'heure, rapport à Dieu. Mais dans un premier temps, parce qu'on peut tout à fait lire l'expérience du rapport à autrui de manière laïque chez Lévinas, il y a quand même cette idée que la morale n'est pas un ensemble de principes, comme chez Kant, ou l'universalisation de ma maxime, je vois quand je fais le bien ou le mal, selon que je peux universaliser, faire que tout le monde veuille faire la même chose que moi ou pas. Là, c'est vraiment, il y a une injonction, un appel. Ce qui fait que tout de suite, je suis dans une sorte de... Je tombe de mon piédestal. C'est ça, l'asymétrie. Le moment éthique est ce moment où je reçois un appel que je n'avais pas prévu. Et là, il y a une distinction entre responsabilité et obligation. L'obligation, elle est consécutive au choix que je fais. Je dois corriger des copies parce que je suis enseignante. La responsabilité, c'est une passivité, une atteinte, elle est reçue. Et la deuxième chose que vous avez soulignée qui est fondamentale, c'est que le visage d'autrui, eh bien, dans son visage, autrui ne m'apparaît pas dans sa majesté, mais surtout dans sa fragilité, dans sa nudité, dans sa mortalité, sa vulnérabilité. Et c'est pourquoi le visage ouvre à l'humanité. C'est pourquoi c'est le visage d'un individu, toujours unique, dont je ne fais jamais le tour, qui n'est semblable à aucun autre. Autrui, c'est l'altérité comme positivité de la différence. C'est vraiment pas un exemplaire du genre humanité, c'est cette singularité, c'est quelqu'un d'imprévisible, d'unique, mais c'est aussi, il ouvre à l'humanité. Et dans cette expérience du rapport à autrui, quand on décrit le visage, en notant les habitudes qu'on a de chosifier les autres, de pas les regarder ou justement de leur assigner une fonction, etc. Quand on fait de la phénoménologie et qu'on voit un petit peu, qu'on réveille cette signification qui est liée à la présence d'autrui, alors, eh bien, il y a cette injonction de le protéger et aussi, car il y a de l'ambivalence dans le rapport à autrui, on prend conscience de la tentation de vouloir le faire taire, de vouloir éliminer son altérité, car, on l'a dit tout à l'heure, autrui n'étant pas dans mon horizon, autrui m'échappant, eh bien, je vois que je ne suis pas seul au monde et je vois que, eh bien, son altérité peut me déranger. Et donc, c'est pourquoi autrui est le seul que je peux vouloir tuer. Même si, en le tuant, en mettant fin à sa vie biologique, je ne peux faire empêcher qu'il n'existe. Le nier totalement. Exactement. Lévinas est né en 1905. Il a connu la guerre, il a connu l'exil, la révolution. Il fut prisonnier dans un camp pour officiers français. Il a rédigé un texte d'ailleurs, de l'existence à l'existant en 1947. Quel lien faut-il faire entre son expérience de prisonnier, son expérience de philosophe pendant la guerre et sa pensée du visage? Car là, il a été confronté de si près à cette vulnérabilité d'autrui qu'il a vu mourir sous ses yeux. Ah, je crois que ça, c'est fondamental. Penser le visage comme la source de l'éthique et aussi de la politique, c'est s'opposer au totalitarisme, c'est-à-dire à une représentation de la socialité, de la collectivité, qui broie les visages, qui ne voit plus les individus et qui les met sous une masse. C'est aussi s'opposer à cette tendance de nos sociétés à la bureaucratie, où on pense les individus comme des chiffres. Donc il y a vraiment visage dans Totalité infinie, ouvrage de 1961, essai sur l'extériorité, eh bien le visage exprime l'infini, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, l'infini de ma responsabilité, qui n'est pas seulement l'obligation, je devrais toujours répondre plus, et c'est aussi l'humanité à travers le visage d'autrui, qui est senti, qui pensait, mais Totalité, c'est qu'effectivement penser le visage, c'est s'opposer aux totalités, au totalitarisme, à ces tendances à ramener l'autre au même, à réduire l'autre à ce que je crois, l'inconnu au connu. Et ça, c'est fondamental en éthique, mais c'est aussi fondamental en politique. Et il y a deux écueils, je l'ai dit, le totalitarisme, la bureaucratie, mais aussi cette inversion du libéralisme en société d'indifférence. Oui, enfin là, ce dont il a fait l'expérience, c'est le nazisme. Oui, il a fait l'expérience. Et l'extermination d'une partie de la population. Tuer n'est pas dominer, mais anéantir l'autre comme tel. Donc cette haine d'assassin, donc c'est-à-dire l'effet de nier non seulement l'altérité d'autrui, mais de renoncer, comme il dit, à la compréhension, renoncer justement à cette commune humanité. Donc ça, je crois que la philosophie de Lévinas, elle est hantée par cette possibilité d'une destructivité fondamentale. Alors, c'est ici que tu viens te cacher de moi. suis venu te dire que tu es vraiment une merveilleuse cuisinière et une domestique très stylée. Je veux dire que quand on vous compare à de la vermine, ou à des rats, ou à des poux, est-ce le visage d'un rat ? Sont-ce les yeux d'un rat ? Un juif n'a-t-il pas des yeux ? Non, je ne crois pas. Salope de petite juive. Tu as failli me convaincre, hein ? N'est-ce pas ? Autrui est le seul être que je peux vouloir tuer. Il serait inutile d'insister sur la banalité du meurtre, qui révèle la résistance quasi nulle de l'obstacle. Cet incident le plus banal de l'histoire humaine correspond à une possibilité exceptionnelle puisqu'elle prétend à la négation totale d'un être. Elle ne concerne pas la force que cet être peut posséder en tant que partie du monde. Autrui, qui peut souverainement dire non, s'offre à la pointe de l'épée ou à la balle du revolver et toute la dureté inébranlable de son « pour soi », avec ce nom intransigeant qui l'oppose, s'efface du fait que l'épée ou la balle a touché les ventricules ou les oreillettes de son cœur. Dans la contexture du monde, il n'est quasi rien. Mais il peut opposer une lutte, c'est-à-dire opposer à la force qui le frappe, non pas une force de résistance, mais l'imprévisibilité même de sa réaction. Il m'oppose ainsi non pas une force plus grande, non pas un superlatif quelconque de puissance, mais précisément l'infini de sa transcendance. Cet infini, plus fort que le meurtre, nous résiste déjà dans son visage. Est son visage, est l'expression originelle, est le premier mot. Tu ne commettras pas de meurtre. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de Lévinas ce matin pour le premier temps de cette série sur le visage, philosophie du visage, le visage qui chez Lévinas est le point de départ de sa philosophie. Vous avez entendu un extrait de la liste de Schindler, un extrait insupportable hein, où le directeur du camp nazi parle avec cette jeune femme, Hélène. Il est sous le charme de cette jeune femme et en même temps il le dit bien que cette sale juive ne peut pas avoir de visage justement. Et quand on les traite de rats ou de vermines, ça veut pas dire qu'ils ont le visage de rat ou de la vermine, ça veut dire qu'ils sont, qu'ils s'identifient à ces animaux qu'ils jugent abjects. Et puis un texte de Lévinas toujours, donc Totalité et Infini, 1961. Essayons de comprendre, Corinne Peluchon, comment, et ça c'est très important, comment pour Lévinas, la meilleure façon de résister à la totalité, de résister à la pulsion de meurtre, c'est pas de poser une force de résistance en retour, c'est d'être absolument imprévisible. La meilleure résistance, dit-il, c'est dans l'imprévisibilité de la réaction. Ça veut dire quoi ? C'est en fait en essayant d'échapper aux étiquettes, d'échapper à une essence, juive ou pas, que l'on peut échapper au regard meurtrier ? C'est-à-dire que c'est pas une volonté de résister, cela peut arriver, mais ce que décrit Lévinas, cette résistance de ce qui n'a pas de résistance, c'est que d'emblée, un être humain est cette résistance, c'est-à-dire qu'il échappe, c'est-à-dire sa résistance, c'est ce qu'il appelle cette transcendance, c'est-à-dire qu'il n'est jamais, il ne peut pas être enfermé dans une catégorie. Il peut évidemment concrètement, empiriquement être chosifié, être réduit au néant, mais il échappe toujours, il s'évade. Et ça, je crois que c'est tout à fait important de montrer ça. Et, Sauf quand il est tué, justement. Oui, mais alors, justement, ça c'est très intéressant. Je peux tuer quelqu'un, mettre fin à sa vie biologique, évidemment, c'est irréversible, mais le meurtre n'est pas seulement un combat entre libertés, comme le duel, où chacun des protagonistes se reconnaissent. Ce sont deux libertés qui luttent l'une avec l'autre, comme chez Hegel. Là, le meurtre en tant que tel, si je veux en saisir l'essence qui est gratuite, qui est liée à ce désir d'anéantissement, il distingue la haine d'assassin de la haine du voleur. Le meurtre l'acte en tant que tel n'est pas la volonté de prendre les biens d'autrui, ni de me mesurer à lui pour affirmer ma supériorité, comme deux libertés qui quand même se reconnaissent là, dans ce meurtre en tant que tel, et qui, dont il cherche à saisir l'essence et de cette violence qui peut, dans nos vies, dans notre société, ne pas aboutir jusqu'à la mise à mort de quelqu'un, mais être quand même une tentation de l'anéantir comme tel, de le violer, de le réduire au néant. Eh bien, l'essence de la violence, c'est faire taire, c'est anéantir l'autre comme tel, ne pas reconnaître cette altérité, mais aussi ne pas reconnaître cette communauté, cette fraternité que nous avons avec les autres humains. Et ça, je crois, c'est pour ça cette phrase est forte. Tuer n'est pas dominer, mais anéantir l'autre comme tel, renoncer à la compréhension. On a ici vraiment une réflexion sur le meurtre, la violence, qui n'est pas seulement donc cette lutte, ou quand même dans le duel, les êtres se reconnaissent. Là, il y a vraiment cet anéantissement. Et vraiment, ça c'est... Et la résistance, elle est liée au fait que, de toute façon, le meurtre est une tentation et une impossibilité. Car même si on met fin à la vie de quelqu'un, si on veut l'anéantir, on ne pourra pas effacer le fait qu'il a été, et on ne pourra pas le dominer. Le meurtre, dit-il, c'est exercer son pouvoir sur ce qui échappe à mon pouvoir. Donc c'est vraiment... Et cette volonté-là, c'est en dit long sur l'intentionnalité du meurtrier qui justement ne supporte pas l'altérité. Mais alors comment expliquer que Lévinas fasse du visage quand même le lieu de cette injonction « Tu ne commettras pas de meurtre ». Est-ce que ce qu'il décrit par ailleurs... Alors, pas simplement le nazisme, même d'autres formes de violence, si vous allez encore plus loin, ne montre pas l'impuissance de l'homme à écouter cette injonction. Tu ne commettras pas de meurtre, et pourtant, combien de meurtres ont été commis? Bien sûr, et la violence existe, même dans nos sociétés, avec des droits, etc. Bien sûr, le faire taire, la volonté de dominer, mais en anéantissant l'autre, en l'écrasant, c'est une tentation constante de l'humain, et je crois que Lévinas en est conscient. Mais justement, lui... En bon phénoménologue, il essaie de souligner, de faire revivre les significations que la vie ordinaire souligne. Et de fait, quand on voit un être humain, c'est pas comme lorsqu'on voit une pierre, on n'a pas la tentation de tuer une pierre ni de la protéger. Quand on voit surgir cette autre existence, eh bien, nous sommes dérangés. Nous ne sommes plus seulement dans le rapport à nous-mêmes. Il y a l'autre dont les besoins matériels sont aussi mes besoins spirituels, dira-t-il dans un autre texte, dont l'existence d'autrui assigne des limites à mon bon droit de faire tout ce que je veux, d'user même des ressources comme bon me semble. Il y a cette présence d'autrui qui remet en question le bon droit de ma liberté. Et ça, je crois que c'est vraiment le moment éthique, mais c'est quelque chose, vous voyez, qui est... fondamental. Et ça a des implications même politiques que Lévinas a suggéré, pas complètement peut-être tout dégagé, mais parce que si on construit la socialité, non pas à partir des libertés rivales, mais à partir du visage, si on fait de la fraternité, non un principe abstrait, mais quelque chose où il y a aussi le face-à-face, il y a cette altérité, alors, eh bien, nos politiques ne sont pas le jeu de libertés rivales et indifférentes, mais il y a derrière les droits de l'homme, pas seulement ce à quoi j'ai droit, mais ce que l'existence d'autrui assigne à mon bon droit. Et ça, je crois que c'est, vous voyez, c'est quelque chose de très fort qui livre là, qui livre à la postérité. Il y a quand même une limite à la transposition politique de cette analyse, puisque peut-on gouverner un pays avec fait uniquement de visage, c'est-à-dire de singularité? Alors là, un moment pour que la politique puisse advenir, et si on juge qu'elle est indispensable pour vivre ensemble, on est obligé d'y arriver, où le visage doit aussi peut-être céder à une forme d'abstraction. Alors là, vous pointez quelque chose de fondamental qui est la distinction entre l'éthique et la justice. Et effectivement, il y a le moment éthique, c'est ce moment d'appréhension de cette exceptionnalité d'autrui. Mais il faut la justice. C'est-à-dire que l'éthique, c'est le moment de l'appréhension de l'incomparable, mais à un moment, il faut comparer, il faut là, il dit la synchronie et pas la diachronie de l'éthique, il faut comparer les incomparables. Et effectivement, je ne peux pas répondre à autrui sans penser aux autres. Et la politique comme la justice, c'est ce qu'il appelle le tiers, qui n'est pas le neutre, qui n'est pas une masse homogène. Ouais. Il y a quand même des visages derrière. Mais il n'empêche que je ne peux pas répondre à quelqu'un, par exemple dans le soin, en médecine, sans penser, sans que ça ouvre à un monde commun, avec des moyens financiers, des lits d'hôpitaux, etc. Et il ne faut pas que ma réponse exceptionnelle à l'exceptionnalité d'autrui soit une injustice à l'égard des autres. Et là, je crois qu'il y a une réflexion très profonde aussi chez Lévinas, parce que, et on va retrouver le visage, parce qu'il y a aussi l'idée que chaque être a droit au secret. La politique, l'État ne s'immisce pas partout. Il y a quand même, chez Lévinas aussi, ce fond un peu libéral qui sépare rigoureusement l'éthique et la politique. La politique, ce n'est pas, elle est limitée par l'éthique car la justice, le gouvernement des êtres comporte une tendance toujours à homogénéiser, à oublier les visages derrière les algorithmes, on dirait aujourd'hui. Mais néanmoins, il ne faut pas demander tout à la politique et garder ce secret. Hein, chacun, il y a ce mot très intéressant du secret, qui est d'ailleurs très actuel aujourd'hui, où on confond un peu tout. Voilà, donc je pense que... Mais, encore une fois, ce que je trouve très fort chez Lévinas, peut-être aussi parce que moi je suis philosophe politique, donc c'est ça aussi qui m'a intéressé, c'est penser le libéralisme, donc qui suppose une séparation entre éthique et politique, mais de manière plus substantielle, plus riche, que par exemple chez les contractualistes de Hobbes à Rawls, où on a quand même l'État, la socialité gouvernée par le donnant-donnant, par l'échange de bons procédés, par l'intérêt bien compris. Lévinas dit que bien sûr c'est nécessaire, mais finalement, un État comme ça de liberté seulement rivale et indifférente ne produira pas la paix, en tout cas pas très longtemps. La paix commence par ma paix, c'est-à-dire qu'il faut voir derrière l'armature des droits, eh bien, le face-à-face, le visage, le fait que nous ne sommes pas seulement liés à la compétition, au jeu des libertés. Oui, mais à l'inverse, une société ou une politique faite uniquement de visage n'est-elle pas intenable, invivable ? Cette injonction morale que représente le visage d'autrui pour Lévinas et porte bien son nom, une injonction, il y a quelque chose de très très fort, une immission dans ma propre liberté qui en montre son obstacle et aussi sa possibilité, puisque je peux quand même tuer autrui, même si ce autrui me commande de ne pas le faire, c'est quasiment intenable, au-delà du face-à-face. Oui, mais alors après, justement, d'où l'idée que la politique, ça va être le gouvernement des personnes, et encore une fois, il faut de l'égalité. Il faut comparer les incomparables pour qu'il y ait la justice. Il faut rendre la justice. On ne peut pas faire des lois pour chacun. Ça, c'est clair. Et ça, il le dit. Oui. On ne peut pas faire des lois chacun. Oui. Donc, du coup, la politique, c'est ce moment essentiel où je compare les incomparables. Mais n'oublions pas quand même que les lois s'adressent malgré tout à des visages. Et dans le contexte actuel, c'est intéressant. Parce qu'on voit bien qu'on a une gouvernance par les chiffres, parfois. Pas toujours. Et que sous les algorithmes, parfois, disparaissent les patients, les individus. Mmh. Donc, il y a ce rappel-là. Et à l'inverse, de la part des individus, il y a cette volonté de ne pas montrer son visage, d'y déposer un masque, que ce soit celui de l'anonymat ou du déguisement. On a ouvert l'émission avec un extrait de Joker, c'est exactement ça, ce personnage qui se grime pour cacher la pauvreté, la nudité de son visage, qui est universelle, hein, dit Lévinas. La preuve en est, dit-il, qu'on essaie de masquer cette pauvreté essentielle au visage en se donnant des poses et une contenance. Cette vulnérabilité, elle est du côté aussi du citoyen, si on reste dans un langage politique. Mais bien sûr. Chez Lévinas, la responsabilité, c'est pas quelque chose d'abstrait. Et c'est une atteinte. Mais encore faut-il être disponible à cette responsabilité, à cette injonction. Et c'est vrai qu'il dit de Dieu qui vient à l'idée, seul un moi vulnérable peut être responsable. Il faut aussi, la vulnérabilité d'autrui, elle n'est accepté, acceptable, reçu que si j'accepte la mienne. Et on sait bien que beaucoup d'individus n'acceptent pas leur propre fragilité. Et c'est bien pour ça que devant le spectacle de la fragilité d'autrui, ils ont envie d'exercer leur toute-puissance. Donc là, il y a quelque chose, l'idée du dénuement. Hein. La langue, je voudrais dire que la langue de Lévinas, c'est magnifique. Hein. Et il parle souvent du dénuement. Il nous met dans cette situation où cette expérience banale de rencontrer quelqu'un, eh bien, par la phénoménologie, par le style de Lévinas, sont réveillées des significations qui nous montrent le sens du rapport à autrui. Et la langue ici, prend épouse quelque chose qui lui échappe. Et ça, c'est tout Lévinas. Et Et voici que vers le milieu d'une longue captivité, pour quelques courtes semaines et avant que les sentinelles ne l'eussent chassé, un chien errant entre dans notre vie. Il vint un jour se joindre à la tourbe, alors que, sous bonne garde, elle rentrait du travail. Il vivotait dans quelques coins sauvages aux alentours du camp. Mais nous l'appelions Bobby, d'un nom exotique, comme il convient à un chien chéri. Il apparaissait aux rassemblements matinaux et nous attendait au retour, sautillant et aboyant gaiement. Pour lui, c'était incontestable. Nous fûmes des hommes. Le chien qui reconnut Ulysse sous le déguisement à son retour de l'Odyssée, était-il le parent d'une autre? Mais non, là-bas, ce fut l'Ita qui est la patrie. Ici, ce fut nulle part. Dernier qu'ancien de l'Allemagne nazie, n'ayant pas le cerveau qu'il faut pour universaliser les maximes de ses pulsions, il descendait des chiens d'Égypte. Et son aboiement d'ami, foi d'animal, naquit dans le silence de ses aïeux des bords du Nil. Texte bouleversant, hein, Corinne Peluchon, rapporté par Lévinas dans « Difficile liberté » qui date de 1963, dans lequel il revient sur son expérience de prisonnier de guerre et raconte cette anecdote, cette rencontre avec un chien errant auquel il donne un nom, Bobby, et auquel il semble attribuer un visage justement, alors que lui-même était réticent à élargir le champ du visage jusqu'à l'animalité. Oui. Qu'en pensez-vous ? Alors, si vous avez dit que ce texte est bouleversant, il est bouleversant. L'animal est le témoin de mon humanité, parfois le témoin de la violence existant entre les hommes. Hein. Je pense au magnifique film de Robert Bresson, vous savez, L'Argent, un chien fou qui court quand il y a un massacre. Eh bien, évidemment, le texte biblique auquel il fait référence. Mais c'est vrai que Lévinas met l'animal hors circuit de l'éthique pour deux raisons. D'abord, il est trop autre pour être mon prochain. Et plus curieusement, il n'en fait même pas l'objet de ma responsabilité. Et ça, c'est qu'il n'en fasse pas le sujet de ma responsabilité, on le comprend. Je crois que de toute façon, les animaux, moi je mettrais un pluriel, eh bien, ne sont pas comme les humains, ne sont pas exactement comme nos prochains, et ils ne sont pas responsables de nous. C'est quand même une grande différence. En revanche, on peut penser qu'ils sont l'objet de notre responsabilité et que même nos manières de les exploiter en dit long sur ce que nous sommes. Mmh. Creuse les traits de notre visage, questionne le quiz du qui suis-je, puisque si on reprend deux idées fondamentales de Lévinas, qu'on a moins dans Totalité infinie et plus d'Entre manquettes en 74, c'est-à-dire que le visage n'est pas le seul lieu de l'éthique, mais ma vulnérabilité, mon besoin de nourriture, ma fragilité, ma mortalité, si cela est le lieu de l'éthique et de la responsabilité, alors les animaux comptent. Ça, c'est fondamental. Deuxièmement, si l'éthique est un dérangement, si l'existence d'autrui assigne des limites à mon bon droit de faire tout ce qu'il me semble, si, comme il le dit dans un texte magnifique, le droit aide de Dieu qui vient à l'idée, que sais-je si dans son innocence, eh bien, ma faim, etc., n'est pas toujours usurpation des lieux si mon droit à être n'est pas usurpation des lieux par moi où l'autre est opprimé par moi-même, etc. C'est-à-dire que à chaque fois, si l'existence des autres pose des limites à mon bon droit, et si quand on voit la manière dont nous utilisons les animaux, alors ça devrait jeter un coup de projecteur sur l'injustice de notre justice, sur justement pour ce que nous sommes devenus au fil des siècles, pour oser faire ça à d'autres. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un manifeste animaliste, hein, politiser oui. La cause alors, animale. Donc, et c'est vrai que Derrida se dira, mais pourquoi celui qui a tant célébré non seulement l'altérité, mais oui. Aussi qui ira jusque dans Autre manquette à parler de substitution. C'est-à-dire, pas seulement je suis responsable d'autrui, mais je suis responsable de ce qu'il a fait et de ce qu'il m'a fait. C'est-à-dire que là, on n'est pas, c'est pas à penser de manière psychologique ou moralisatrice, mais on est dans quelque chose d'inassumable. Les fautes d'autrui de l'histoire peut-être pèsent sur mon innocence, comme le dira dans une très belle formule Jean-Luc Marion. C'est-à-dire, s'il y a cet inassumable de la souffrance animale pour moi, mais aussi de l'histoire, on en parlait tout à l'heure, qui, ce n'est pas ce que j'ai fait, mais n'empêche que j'ai à répondre quand même de quelque chose que j'ai pas fait, ça me déplace, alors la question animale doit entrer. Bon, Levinas l'a pas fait, mais après tout, il a fait tellement, on va lui reprocher, et on a le droit d'être inspiré par un auteur, de lui prendre, comme moi je l'ai fait, sans en reconnaissant qu'il s'est pas tout à fait intéressé à cette question, et c'est pas grave. Évidemment, on n'est pas là pour lui attribuer une note, hein, de toute façon, mais vu ce que vous le qualifiez d'un philosophe pour notre temps, dans votre livre, pour comprendre Lévinas, Corinne Peluchon, allons jusqu'au bout quand même de cet examen, peut-être d'une limite à cette pensée, et pourquoi pas, d'ailleurs, comme tous les philosophes. Je parle en tout cas pour essayer de comprendre aujourd'hui. En effet, il ne reconnaît pas à l'animal un visage, mais pourrait-on dire plus largement que l'éthique qu'il met en place, qui est une éthique proprement et exclusivement humaine, de regard, de face à face, je ne veux pas dire de regard, puisqu'il dit bien que le visage ne se réduit pas au regard, eh bien peut-être ne permet pas de penser aujourd'hui un type de relation au monde qui dépasse la relation homme à homme ou femme à femme, hein, qui est celui de l'homme à la nature, de l'homme à la planète. Alors, dans quelle mesure est-ce que... Parce que si l'animal n'a pas de visage, la nature n'a pas de visage. Est-ce que ça veut dire pour Lévinas que du coup, il n'y a pas de comportement éthique à avoir à l'égard de la nature? Oui, mais alors il y a quelque chose chez Lévinas qui est très profond, qui est cette philosophie de la corporéité, où décrivant l'existant, pas seulement comme liberté, ni comme rapport à l'autre vivant, l'autre humain, pardon, il y a cette réflexion sur ce dont je vis, les nourritures, dans Totalité Infinie, moi j'en ai fait même tout un livre, c'est-à-dire cette réflexion sur le fait que les paysages, l'air, l'eau, ne sont pas des objets de ma représentation, je baigne dedans, ils constituent mon existence, il y a même ce revirement du constituer en condition de mon existence. Je ne constitue pas la nourriture, je l'incorpore et elle me modifie, et l'air et l'eau, je baigne dedans, ce ne sont pas des objets de ma représentation. Tout ce dont je vis et qui n'est pas pensé seulement à la lumière privative de besoins ou de besoins pensés de manière privative, mais j'en jouis, c'est-à-dire qu'il y a un plaisir dans ce qu'il appellera le monde des nourritures. Et là encore, voyez, moi, il m'a inspiré énormément de choses. C'est vrai que Lévinas fait commencer l'éthique à la rencontre du visage d'autrui. Donc on pourrait dire qu'il est un peu anthropocentriste, tout ça. Mais quand il parle de ce dont je vis, et encore une fois, du fait que l'existence d'autrui questionne mon bon droit, c'est-à-dire assigne des limites à mon bon droit d'user de ce dont j'ai besoin, eh bien, on voit bien qu'il y a là la promesse d'une interrogation sur notre rapport au monde qui n'est pas seulement instrumental, les paysages, la nature, c'est pas seulement des ustensiles, des outils, c'est, ils les appellent les nourritures pour célébrer le plaisir attaché à cette vie dans les choses. Et puis il y a aussi, encore une fois, cette réflexion sur les limites que j'assigne à mon bon droit d'utiliser tout. C'est quand même une réflexion sur l'autolimitation. Donc je crois qu'il y a quand même une pensée. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas demander à Lévinas de faire de l'éthique appliquée. L'éthique surgit comme dimension. Dimension du rapport à autrui quand on fait de la phénoménologie et on voit cette présentation paradoxale du visage comme épiphanie. Le mot épiphanie veut dire présentation paradoxale d'autrui qui signifie et qui ne livre pas tout. Mais il y a aussi cette réflexion sur la passivité, la vivance, ce qu'il appelle la vivance, la corporéité, pris à la fois dans sa vulnérabilité, mortalité, vieillissement, fatigue, insomnie, douleur, souffrance psychique, où je le veux pas, où j'ai cet écart entre moi et moi-même, et plaisir, nourriture. Et à partir de là, moi j'ai construit énormément par Lévinas, auquel je dois tant et que j'aime, eh bien j'ai construit une éco-phénoménologie, c'est-à-dire une philosophie de l'habitation de la Terre où les paysages, les nourritures ne sont pas des carburants. Et penser les nourritures comme des carburants, l'alimentation, les paysages seulement comme des outils ou de manière instrumentale, c'est déjà être dans un certain monde. Et puis il y a quand même cette manière de décrire l'existant à même sa corporéité, le point de départ de mon rapport à moi-même, aux autres et au monde, c'est pas la tête, c'est pas la conscience, c'est le corps qui, je cite, rabat la prétention de la conscience à assigner un sens à toute chose. Et comme le visage me met dans la passivité, eh bien le vieillissement, la mortalité bien sûr, mais le rapport aux nourritures, eh bien souligne la réceptivité du sujet, le fait que c'est une philosophie de la non-constitution, des phénomènes. Ce qui intéresse Lévinas, c'est les phénomènes qui échappent à ma maîtrise, à ma conscience, à ma constitution, bien qu'il s'il m'arrive. Vous aviez parlé de l'insomnie. Il y a de magnifiques phrases de Lévinas au sujet de l'insomnie qu'il qualifie comme étant le surgissement, le bruissement du « il y a ». On l'a déjà diffusé d'ailleurs, cet extrait, dans cette même émission. Vous parliez de la langue de Lévinas. Le rapport au langage, le rapport au discours qui introduit un certain lien à autrui est quelque chose qui est fondamental pour Lévinas, parce que nous parlons, le langage exprime quelque chose, mais avant tout, nous dit Lévinas, c'est le visage qui parle. Le visage parle. Il parle en ceci que c'est lui qui rend possible et commence tout discours. J'ai refusé la notion de vision pour décrire la relation authentique avec autrui. C'est le discours, et plus exactement la réponse ou la responsabilité qui est cette relation authentique. J'ai toujours distingué dans le discours le dire et le dit. Que le dire doive comporter un dit est une nécessité du même ordre que celle qui impose une société avec des lois, des institutions et des relations sociales. Mais le dire, c'est le fait que devant le visage, je ne reste pas simplement là à le contempler. Je lui réponds. Le dire est une manière de saluer autrui. Mais saluer autrui, c'est déjà répondre de lui. Il est difficile de se taire en présence de quelqu'un. Cette difficulté a son fondement ultime dans cette signification propre du dire, quel que soit le dit. Il faut parler de quelque chose, de la pluie et du beau temps, peu importe, mais parler, répondre à lui, et déjà répondre de lui. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Le visage parle, écrit Lévinas, et plus loin il conclut, il faut parler de quelque chose, de la pluie ou du beau temps, peu importe, mais parler, répondre à lui, et déjà répondre de lui. Mais est-ce que ça veut dire que ce que dit le visage ne suffit pas, puisqu'il faut y rajouter un discours, Corinne Péduchon? Pourquoi est-ce que le dialogue, peut-être, qui est engagé d'un visage à l'autre, ne serait pas suffisant pour rentrer en commerce avec autrui? Pourquoi en faut-il en plus parler de la pluie et du beau temps? Alors je crois qu'il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, le visage parle, ça veut dire que le visage est discours. Il le dit. C'est-à-dire qu'un discours, un dialogue, c'est déjà deux termes face à face, deux personnes face à face, qui sont imprévisibles et qui sont différentes. Il y a l'hétérogénéité. On n'est pas dans la masse. On n'est pas là. Il y a de l'improvisation, une parole, un échange. Voilà, il y a ça. Donc et puis il y a effectivement le dire et le dit. Ce que je dis, ce dont je parle, c'est une chose. Et puis il y a parler à. Et puis surtout quand je parle de quelqu'un, ça arrive souvent. Les gens parlent des autres. Ben, nous parlons souvent de Lévinas. Ouais, tout à fait. Mais on ne l'enferme pas dans des catégories. On essaye. On essaye. Il s'échappe. Mais les catégories ont du bon parfois pour comprendre. Les catégories ont du bon, sauf quand on assigne quelqu'un à une fonction, à une catégorie, souvent. Et Lévinas dit souvent, autrui, il ne faut pas le thématiser. Ou on ne peut pas le thématiser. On a beau dire tout ce qu'on veut de lui, l'enfermer dans des catégories. C'est expérience banale. Vous écoutez les gens qui parlent d'autrui, surtout quand ils en disent du mal, et les enferment dans des catégories. Ils solidifient leur possible, pour parler comme Sartre. Mais il dit, Lévinas, autrui s'évade toujours, il échappe toujours. Et le visage signifie, le visage exprime, sa phénoménalité ne dit pas tout, mais il parle, ça veut dire que, là encore, j'en ferai jamais le tour. Il est au-delà de ma capacité, et il a cette liberté. Ça, je crois que c'est... Et alors, du coup, eh bien, je ne peux que lui répondre. Je ne peux pas, finalement, le mettre sous une cloche, quoi. Je suis souvent tentée de le faire, mais il échappe toujours. Et c'est ça. Et quand je comprends ça, alors je lui parle, à lui, je lui réponds, et peut-être j'arrive à ne pas le réduire à ce qu'il dit, et je peux être sensible même à ce qu'il ne dit pas, puisque dire est un s'offrir. Et moi, j'avais été très sensible, j'avais été très... soyez sensible à tout ce que dit Lévinas sur le dire et le dit, et notamment dans Autrement qu'être, où il y a cette phénoménologie de la passivité. Quand j'avais fait, il y a plus de 10 ans, des visites médicales auprès de patients qui parlent plus ou qui ont des déficits cognitifs, où leur dire est un s'offrir. Ils parlent pas, ou les mots tombent à côté, mais ils ont plein de choses à dire. Et voilà. Et c'est ça aussi, être capable d'être responsable d'un être qui parfois son identité, on ne la trouve pas à la manière ordinaire, puisque dans la vie ordinaire, c'est souvent la fonction sociale et tout ça. Mais est-ce que ça peut passer par autre chose que le langage et que le discours? Parce que on peut aussi... Par le corps. Oui, on peut aussi interagir avec autrui, être dans une relation éthique avec autrui. De toute façon, on ne peut pas s'y dérober, nous dit Lévinas, en silence, sans parler. Bien sûr, il y a le langage du corps, mais il y a aussi une... Certains silences sont faits d'un immense respect, d'une immense considération pour l'autre. Ah oui, ça, ça plairait à mon avis beaucoup à Lévinas. C'est, puis cette idée que la proximité d'autrui n'est pas la familiarité. La familiarité, c'est souvent une manière de réduire l'autre au même. On voit plus ce qu'il a d'étonnant. Hein, on le ramène au meuble, on en fait un meuble. C'est souvent que ça arrive. Alors que justement, la proximité, c'est être... se sentir proche, concerné, intimement, profondément, et savoir que l'autre échappe. Et plus on est proche de quelqu'un, plus on sait qu'il échappe. Je pense que c'est ça aussi qui est très intéressant, parce que Lévinas a aussi écrit des pages intéressantes sur l'amour, tout ça. Sa phénoménologie de l'éros, justement, où il y a de nombreuses pages qui essayent de définir ce qu'est la caresse, ce qu'il se passe lorsque je caresse le corps d'autrui. On peut renvoyer au texte de Sartre aussi sur la caresse pour voir ces deux approches différentes, et qui laisse entendre justement que par le corps, puisque lui-même disait que le visage n'est pas que dans le visage, que le corps entier se fait visage, et bien qu'il y a une sorte de langage du corps qui permet d'atteindre, de toucher autrui tout en respectant son altérité, justement. Oui, oui. De toute façon, la responsabilité n'est pas seulement la responsabilité à l'égard d'une personne souffrante. Hein. Ça, c'est très important de le dire. Hein. La maternité dont il parle, c'est aussi une manière de porter l'autre en moi, d'être senti responsable. Bon. Néanmoins, il est vrai que les expériences où on n'a accès, ou en tout cas pas, où on appréhende la fragilité d'autrui, où d'une certaine manière elle vous tombe dessus et vous avez peut-être, vous ne pouvez pas rester indifférent, eh bien, sont des expériences qui sont exigeantes et qui peut-être nous font mieux appréhender ce qu'est la responsabilité, ce qu'est aussi l'humanité, qui n'est pas un ensemble de créations magnifiques, culturelles, de liberté magnifique, mais qui est aussi fragilité, mortalité. Ce qu'il y a dans la quand même ce qu'il y a sur le visage d'autrui, c'est sa mortalité. C'est-à-dire aussi la séparation, puisque personne ne peut mourir à la place d'un autre. Quand il meurt, je peux rien faire. Je peux pas aller le chercher. Mais justement, vraiment, la responsabilité, c'est d'un mortel pour un autre mortel. Et ça, bon, Lévinas l'a dit mieux que tout autre. Tiens, peut-être encore un contre-exemple. Vous parlez de la maternité. Que dit-il à ce sujet, puisqu'une femme qui porte un enfant crée un lien avec cet enfant avant même de découvrir son visage? Oui, mais je crois que la responsabilité intimement, même quand elle est, même quand le visage en est le lieu, elle est de toute façon une atteinte. C'est un déplacement. C'est pas seulement justement lié à la reconnaissance intellectuelle d'autrui. Elle est toujours une atteinte. On porte toujours l'autre, même quand on n'est pas enceinte. Je veux dire, c'est ça la responsabilité. Je crois que le visage. Je crois que c'est fondamental tout ce qu'il dit, puis c'est l'unicité, c'est la singularité, l'autre échappe. Mais je crois qu'il y a chez Lévinas aussi, et c'est très sensible dans Autrement Quête, où il y a quand même des tensions entre ces deux livres, hein, Autrement Quête et 74 et Totalité Infinie 61, il y a l'idée que c'est par ma corporéité, par ma vivance, par ma fragilité, que, et par la fragilité de l'autre, c'est ça qui est aussi le lieu de l'éthique chez Lévinas, hein, qui est une passivité. Et dans la substitution, ce sera une passivité plus passive que toute passivité, parce que non seulement je comprends ou je comprends pas, enfin, puisqu'on est quand même dans quelque chose d'inassumable, mais il y a cette atteinte de quelque chose qui m'écrase, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Ricoeur, je crois qu'il y a un auteur qu'on peut bien lire avec Lévinas, parfois un tout petit peu, pas contre lui, mais en faisant un pas de côté, qui lui comprend tout à fait que l'éthique commence par l'injonction, par l'appel, par l'extérieur, mais qui dit à un moment, il faut de la mutualité, il faut de l'égalité. C'est évident, par exemple, dans la relation humaine, même médicale. C'est vrai que chez Lévinas, il accuse, il insiste beaucoup sur l'asymétrie, donc jusqu'à la substitution, que beaucoup ne comprennent pas, n'acceptent pas, parce que c'est, je crois, une catégorie qui nous met pas seulement en rapport à autrui, celui que je vois devant moi, mais qui a un rapport à l'histoire. Et là aussi, chez Lévinas, faut toujours voir que dans le visage d'autrui, il y a le tiers et qui, donc les autres, qui est un autre prochain, hein. Mais il y a aussi l'humanité. Et quand il dit le visage est la trace de l'infini, il me renvoie à une responsabilité infinie, mais aussi à quelque chose. Et là, on a quelque chose qui relève peut-être de la du religieux, en tout cas, il y a quelque chose d'un appel qui vient d'on ne sait où. Il y a l'idée d'être voué à. Je crois que, et c'est vrai que quand on voit vraiment profondément ce qu'il y a dans le rapport à autrui, mais évidemment en faisant une phénoménologie, peut-être en étant dans l'hyperbole, eh bien, quand on prend soin de quelqu'un, peut-être qu'on voit à travers cela les autres, l'humanité, la commune humanité, et qu'il y a l'idée de ce renversement de la subjectivité qui va jusqu'à une vie vouée à. Et ça, je crois que c'est très fort chez lui. Mais c'est... Inassumable, vous avez prononcé le terme. Que peut-on assumer de l'inassumable? C'est aussi une bonne manière de lire ces textes. Merci Corinne Peluchon. Merci à vous. D'être venue nous parler de Lévinas ce matin. Pour comprendre Lévinas, un philosophe pour notre temps, c'est le titre de votre livre qu'on trouve aux éditions du Seuil. On se quitte avec votre visage, Charles Trenet. Votre visage, aux yeux changeants comme la mer, votre visage est un paysage si clair. Votre sourire qui s'illumine rien que pour moi semble me dire je suis ta joie. Et je suis aussi ta jeunesse, cheveux d'or en boucle d'amour. À toi, ma vie, ma tendresse, à toi, mon cœur pour toujours. Votre visage, aux yeux changeants, comme la mer, votre visage est un paysage si clair, si clair. Et bien sûr, vous pouvez lire Totalité et Infini, essai sur l'extériorité d'Emmanuel Lévinas, qu'on trouve notamment au livre de poche sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de monde, vous avez regardé vendredi soir la cérémonie des Césars. De bout en bout, j'ai regardé cette 45e cérémonie. Je ne vais pas faire une tribune. Les multiples prises de position pro-Polanski ou celles dénonçant à l'inverse son impunité et plus largement celles des dominants, je fais ici référence au texte de Virginie Despentes paru hier soir sur le site de Libération, joue très bien ce rôle que je n'ai ni à jouer, ni envie de jouer et surtout que je ne sais pas vraiment jouer. Mais j'aimerais vous parler de cette cérémonie en tant que telle. Longue, ambigu, pathétique. Il s'est passé des choses, c'est vrai. Florence Foresti qui met les pieds dans le plat suite à la démission collective de l'Académie et aux 12 nominations du film J'accuse. Le discours d'Aïssa Maïga sur l'inclusion. Adèle Haenel et l'équipe du film de Céline Sciamma qui quittent la salle après le prix pour Roman Polanski. Mais j'attendais encore plus. Alors certes, ce n'était pas un combat de boxe, mais après tout, pourquoi pas? N'était-ce pas le bon moment pour tout balancer? Est-il possible que le cinéma ne sache pas prendre la parole et partie sur lui-même? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Florence. Il va falloir remettre ça cette année. Il va falloir que je me refasse le nez? Non, mais dis donc, c'est pas vous qui décidez si je... César, il va falloir remettre ça cette année. Pardon, d'accord. Non, c'est parce que vous parlez très très bas. Je sais que ça représente une lourde tâche. Excusez-moi, vous êtes à fond, là, en volume? Oui. une lourde tâche et une très lourde soirée. C'est vrai que les cérémonies de ce genre sont toujours un peu ennuyeuses et décevantes. On s'attend à une fête ininterrompue, à des sketchs vraiment drôles, à des récompenses méritées ou carrément injustes. Et pourtant, ça ne marche que rarement. Certains, c'est vrai, sortent du lot, mais trop peu. Ce genre de spectacle qui n'est ni du cinéma, ni la vraie vie, est dans un entre-deux de toute façon ambigu. Cette année, pourtant, je m'attendais à ce qu'il se passe des choses. Mais alors quoi ? À des discours qui changent des traditionnels, il n'y a pas de second rôle, mais toujours des premiers rôles, ou des discours du type « les courts-métrages, c'est aussi de grands films ». Peut-être que je m'attendais à un happening qui interrompt carrément la cérémonie, à un collectif du métier qui défend la grande famille du cinéma, ou au contraire la fasse exploser. Moi-même, au fond, je ne sais pas ce que j'attendais. Mais ce qui est sûr, c'est que l'absence de l'équipe du film J'accuse, le fait que celle du film de Céline Sciamma parte, les manifestations dans la rue, le fait que l'on ose à peine prononcer le nom de Roman Polanski, montre que rien n'a eu lieu sur scène, devant nous, spectateurs, spectatrices. Pourquoi tout s'est-il donc joué en dehors, en coulisses, avant ou après la cérémonie ? Je me suis dit, ah ouais, alors, en fait, si le cinéma a encore ce pouvoir-là, de faire trembler, alors on peut être fier un peu quand même. On peut être fier de ce qu'on fait parfois. Que le cinéma fasse trembler, c'est ce que dit l'acteur Swan Harlow qui a remporté un prix pour le meilleur second rôle. Que le cinéma émeuve, qu'il révolte, qu'il soit une caisse de résonance, ce sont des choses qu'on dit habituellement du 7e art. Parfois, ça en devient des clichés, mais souvent, ça se vérifie. Les films nommés cette année en étaient la preuve, Des Misérables de Lajli à Papicha de Mounia Medour. Le cinéma, c'est mettre en scène la vraie vie, le réel comme on dit. Mais qu'en est-il de lui ? Bien vendredi soir, j'ai eu l'impression d'assister au paradoxe du cinéma. À ce qui le menace de l'intérieur, à son comble peut-être, sa difficulté ou son impossibilité à se réfléchir. Ne saurait-il pas se mettre en scène lui-même ou même d'abord se regarder ? On compare beaucoup le cinéma à une grande famille où l'on se dirait tout ou peut-être rien. Mais le cinéma, c'est avant tout du cinéma. Et pas celui où l'on fait du cinéma, du spectacle qui cache les failles, où l'on fait son cinéma, pour reprendre l'expression, mais celui où l'on montre, où l'on dialogue, où l'on se dispute, où l'on scénographie les tensions. Voilà le problème. Pourquoi le cinéma qui parvient à nous montrer des choses, à les problématiser, des choses que l'on ne voit pas, ne parvient pas à le faire pour lui-même. Le César de la meilleure réalisation est attribué à... Roman Polanski pour J'accuse. Confirme son statut de recordman de la catégorie avec 5 Césars. Il a emporté à chacune de ses nominations Tess, le pianiste, Ghost. L'Académie remettra ce César à qui de droit ce soir à l'issue de la cérémonie. Puisqu'ils ne sont pas présents. Peut-être. Voilà, je ne m'attendais pas à un autre palmarès, mais je m'attendais à une autre mise en scène. Adèle Haenel a dit dans une interview que dans le cinéma, tout est politique. Mais je crois que tout est aussi esthétique. Que quelque chose apparaisse à l'écran, que quelque chose soit montré et pas qu'une enfilade de plans et de malaise. Peut-être n'était-ce pas le rôle du cinéma, peut-être n'est-ce pas son rôle, mais j'ai du mal à voir ce que l'on peut attendre d'un art qui ne soit pas voyant, lucide sur ce qu'il traverse d'abord lui-même. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda, avec Manon de la Selle, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie. Aujourd'hui et cette semaine, Lou Quevauvillier, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine. À la prise de son, c'était Ludovic Augier. À la lecture des textes, Hélène Losseur. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur le visage. Demain, on sera en compagnie de Michel Guérin. Et nous vous parlerons des autoportraits de Rembrandt. Rembrandt qui se tire le portrait. Qu'en est-il de sa réflexion sur le visage ? D'ici là, pour réécouter cette émission sur Lévinas, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.